Un ange, assisté d'une milice céleste, fit une requête au jugement divin, pour faire annuler le temps de purgatoire d'une âme, avant le dernier jugement. Car après que 4 ans furent écoulés, l'âme avait l'aspect d'un bel enfant, torse nu. L'ange dit au juge, assis sur un trône éminent, assisté de 1000 millions de saints, qu'il adorait tous à cause de sa patience et son amour. Au souverain juge. Cette âme pour qui je priais, vous m'avez dit que vous la franchiriez. Maintenant que nous sommes tous assemblés, nous prions et vous demandons miséricorde pour elle, sachant bien que tout est en votre estime et choix. C'est en raison de votre épouse, ici présente, que nous parlons d'une manière humaine, bien que cela ne soit pas la même manière entre nous. Si un chariot est plein de gerbes, et qu'un chacun en prenne une poignée, le nombre et le poids diminueraient. De même en est-il maintenant. Plusieurs larmes, et plusieurs pleurs de charité, m'ont été présentées pour cette âme. Répondit le juge. Partant donc. Le jugement veut qu'elle vienne sous votre garde. Et vous, apportez-la au repos, que l'œil n'a vu, que l'oreille ne peut entendre, ni elle-même ne saurait comprendre si elle était en la chair. Là où il n'y a, ni ciel au-dessus, ni terre au-dessous. Où la hauteur est incompréhensible, la longueur indicible, la largeur admirable, et la profondeur incompréhensible. Là où Dieu est au-delà de toutes choses, et entre toutes choses. Il régit et contient toutes choses, sans être contenu d'aucune. Or après, on vit cette âme monter au ciel, aussi reluisante que l'éclat d'une étoile. Puis le juge dit, « Bientôt le temps viendra où je proférerai mes jugements, et ferai justice contre la famille de ce défunt. Car cette race monte avec superbe, mais elle descendra suivant le mérite de la superbe.